pense à toi, j'ai envie de venir te voir. Maman, tu sais que je t'aime, c'est grâce à toi si je suis là. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te mettre à l'aise. Est-ce que tu es fier de moi? La vie a fait qu'on s'est un peu détaché, alors je pleure des fois. Je me rappelle avant moi, quand tu me faisais des crises du balcon. Je me rappelle avant moi, quand on allait voir mon frère en prison. Dieu merci, je perçais, sinon je sais vraiment pas comment j'aurais fini. J'aurais fait des conneries, je me serais fait péter par les civils. J't'aime pour la vie, pour la vie David. J't'aime pour la vie, j't'aime pour la vie David. On a galéré ensemble, je ferai tout pour toi maman. T'es la meilleure des mamans. Tu m'as montré les valeurs de la vie, merci maman. T'as tout fait pour moi, donc je t'aimerai éternellement. Maman, j't'aime pour la vie, maman. Pour la vie, David. Maman, j't'aime pour la vie, maman. J'aime pour la vie, David. Des fois je me retrouve seul, c'est fou, je me dis que j'ai besoin de ma maman. Même si on se voit de temps en temps, ma maman, c'est mon diamant. Quand on parle, c'est que ça vient du cœur. Si je pleure, maman. On a vécu des galères, on a gardé nos valeurs. À trois sur un salaire, que personne touche à maman. De toute façon, la plus forte, c'est maman. Faut la respecter, maman. Oh, que je l'aime, maman. Galérer ensemble, je ferai tout pour toi, maman. T'es la meilleure des mamans. Tu m'as montré les valeurs de la vie, merci, maman. T'as tout fait pour moi, donc je t'aimerai éternellement.